les ombres et les bruits me hantent et me suivent. Ma lumière dans la main, je continue mon chemin. Aidez-moi, aidez-moi à être brave. Aidez-moi à être brave, à avoir le courage d'avancer vers les étoiles et de m'éloigner du mal. Aidez-moi, aidez-moi à être brave. Le son et le vent dans les portes du temps résonnent dans ma tête comme les bruits d'une bête. Aidez-moi, aidez-moi à être brave. Aidez-moi à être brave, à avoir le courage d'avancer vers les étoiles et de m'éloigner du mal. Aidez-moi, aidez-moi à être brave. Damn.